Quand on veut se payer une bonne bouffe, c'est le restaurant Midas où il faut aller. La pizza, les hot dogs qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des déménageurs. Menu familial offert avec tous les budgets, dans un décor spacieux et très aéré. Et surtout, un personnel courtois qui vous offre un service rapide. Le restaurant Midas au 1084 Route Saint-Jean à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-0900. Danny et tout le personnel souhaitent la meilleure des chances au comité organisateur des championnats canadiens de l'eau de montagne et invite toute la population à participer aux différentes activités. Ici Richard Hébert. Nous sommes heureux, le conseil municipal et moi, de vous inviter à participer en grand nombre au Festival Western de Dolbeau-Mistassini. Comme chaque année, les nombreuses activités sauront faire vibrer notre ville au rythme des cowboys. Merci aux personnes qui assurent année après année la réalisation de cette tradition. L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeur aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. 5 heures à Chipougamau avec notre ami Yannick Harvey. Salut Yannick! Salut! Oui, ça va bien, ça va bien. Comment c'était vos équipes cette semaine? Oh, en fin de semaine passée, on avait deux matchs en U12A, en Ligue régionale, et on avait aussi deux matchs en senior Division 3. Okay. Le premier match, malheureusement, pour l'équipe de Jonquière, je dis malheureusement, parce qu'elle ne s'est pas présentée. Aye, aye. Et comme elle n'a pas avisé à l'avance, l'association régionale va devoir sévir dans son cas. Okay. Et c'est le club de Jonquière qui va devoir payer là, une amende à ce moment-là. C'est combien? Alors, on a gagné par forfait le premier c'est match. C'est combien l'amende quand tu ne te présentes pas? Hein? Il y a un règlement assez spécial concernant tous les matchs impliquant les équipes de Chibougamau. Okay. C'est une amende qui peut aller jusqu'à 1 000 $. Oh, OK. Ça, j'imagine que c'est la première offense ou la deuxième offense ou la troisième offense. Non, c'est vraiment, je pense, la première offense. Ah ouais? OK. C'est pour inciter les équipes à se présenter ou à aviser à l'avance. Mais comme si tu avises à l'avance, je crois qu'il n'y a pas vraiment de pénalité. Il y a un 72 heures à respecter là au niveau des avis là si une équipe ne peut se présenter par manque de joueurs ou on sait que les vacances sont commencées, oui. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Mais il faut au moins que le club visiteur avise quelques heures, au moins une à deux journées à l'avance pour ne pas avoir d'amende. Puis si je me rappelle bien, je pense que si le club n'a pas donné d'avis, dans les derniers 24 heures, ne se présente pas, ben là, ça peut aller au maximum au niveau monétaire. OK, OK. Donc, oui. Ouais, ben le deuxième match, ça s'est mieux passé. L'équipe de Chicoutimi s'est présentée. Ben oui. Et on a joué je dirais un très bon match. Au début, première demi, l'équipe de Chicoutimi a marqué, c'était 1-0. Et en deuxième demi, ben là, on a remotivé nos joueurs pour justement être en mesure de compter deux buts. Alors, les compteurs, c'est Lucas Beaulieu et Loriot Rakoto Harrison. Alors, le match s'est terminé 2-1 pour une deuxième victoire dans cette journée. Une première, je pense, à Chibougamau, là, au niveau des victoires. Malheureusement, bien sûr, avec un forfait, Parce que, concernant la journée. Yannick, c'est parce que, je me rappelle, Chibougamau, t'es pas dans la ligue, mais ça fait quoi, l'ARS, ça fait au moins, quoi, 3-4 ans, à peu près, l'ARS? La première. Je te dirais, c'est notre cinquième été, nous, mais dans la ligue, c'est notre deuxième année. Parce que l'ARS, la première année, là, je m'en rappelle, il y avait eu des matchs annulés, ça en était ridicule. Et c'est pour ça, probablement pour ça qu'ils ont mis des amendes très salées pour inciter les gens à se présenter. Tu sais, quand un match sur trois est annulé, c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle. Je te dirais que dans la plupart des cas, les gens avisent à l'avance ou s'arrangent. Comme dernièrement, nous, au niveau des seniors, là, on a deux semaines avant notre prochain match, on a communiqué avec le club de Saint-Ambroise, puis on leur a demandé de devancer le match. Okay. Puis ça s'est fait dans la journée. Là. On a reçu un courriel disant « Oui, on peut s'arranger à telle heure, puis on leur... » T'sais, normalement, on est en mesure de bien s'entendre entre les clubs, mais quand un club... ne vous avise pas, ben c'est là qu'il y a pas, on veut dire, l'ARS n'a pas le choix là, de donner des amendes là, puis de sanctionner. OK. Ce moment-là. On continue? Alors, concernant les matchs dimanche, on a eu deux matchs dans la division 3 au niveau senior avec le CELE de Chibougamau. Premier match, c'était contre justement le club de Saint-Ambroise qui venait à Chibougamau pour la première fois. Un bon match dans l'ensemble. Première demi, on a commis deux erreurs, faut le dire là, deux dégagements qui ont pas réussi à percer justement là et à traverser le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça, on a eu deux comptes dans le fond. Alors l'équipe de Saint-Ambroise menait 2-0 en début de première période. Et par la suite, l'équipe du CELE de Chibougamau s'est réveillée, on s'est fouetté un peu, et on a terminé la première demi 2-1 avec un but de Yannick Harvey. C'est moi finalement. C'est toi-même, le seul ennemi que... Hey, t'as combien de buts dans l'année à date, hein? Moi j'en ai joué. Ah, c'est ça, fait que tu vois... Mais je joue à défendre, faut le dire. Okay. C'était un but, je te dirais, là, de au moins de... Un 30-35 mètres facile. Ah oui, OK, un laser qu'on appelle. Oui, c'était un bon botté. Le ballon est tombé en bas de la barre horizontale. C'était difficile pour le gardien là, de bien juger ça, étant donné qu'on avait des joueurs en avant du but, là, dans proche du 5 mètres. Alors, c'est sûr que le gardien, dans ces moments-là, ben il guette aussi les joueurs qui sont en avant. Puis quand le ballon ben tombe dans les coins, puis juste en dessous de la barre horizontale, ben, c'est des bottés parfaits. Là, tu peux pas arrêter ça. Alors, en deuxième période, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, c'est comme j'ai dit, le CELE, ben, c'est remotivé, puis on a égalisé avec un but par François Bergeron. Et par la suite, dans les dernières 10 minutes, on a compté deux buts rapides. Alors, un but de Geoffroy Baudy et un but de Jasmin Girard. Alors, le score final, 4-2 pour le CELE de Chibougamau dans cette première partie contre le club de Saint-Ambroise. Okay. On accueillait à 18h le club de Robert Val. Ouais. Et faut le dire, deux matchs dans la même journée, c'est toujours difficile pour les clubs de Chibougamau. Puis il va falloir regarder ça pour l'an prochain, que ce soit au niveau des juniors là, dans le U10 U12 ou encore dans les dans le senior. Il va falloir trouver une façon de faire pour alléger un peu les parties dans une même journée. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'on va peut-être travailler à quelque chose comme samedi, dimanche, deux matchs, mais en deux jours à la place de deux matchs dans la même journée. Ça va augmenter votre financement à Montazi, par exemple, ça. Ouais, ben c'est effectivement. Il va falloir trouver peut-être. On regarde pour au niveau du. C'est ça, c'est les déplacements dans le fond qui nous coûtent cher. Parce que à part ça, je sais pas. Il va falloir trouver une solution. On va regarder avec l'ARS. On va regarder avec nos membres ici, nos joueurs qui sont toujours prêts à jouer dans les ligues régionales. Quitte à faire peut-être, je sais pas, un match local le samedi. C'est ce qui a été approché un peu par le club de Saint-Ambroise lorsqu'ils sont venus ici. Eux, ils auraient préféré jouer le samedi à la place du dimanche, étant donné que des fois, les lundis, des fois, tout le monde travaille. Ouais. Puis, en tout cas, il y a des ajustements à faire. Mais alors, le match à 18h, ben c'est scellé par un verdict là à sens unique. Robert Val est arrivé ici avec des jambes fraîches. Et nous, de notre côté, bien, on avait déjà un match dans le quart et on perdait 2-0, puis on a remonté ça. Alors, ça s'est terminé 5-0 pour Robert. Hey, mais par contre, Yannick, le hockey font ça, hein? Oui, je sais, mais c'est différent du hockey, parce que le hockey, c'est un sport de glisse, hein? T'es sur patin, je sais, je joue, moi, dans la saison d'hiver, le hockey. Puis mon garçon aussi joue dans les classes double lettre, là. Puis, la récupération est pas pareille. La chaleur magane. C'est parce qu'au niveau du soccer, t'es toujours sur le terrain 15, 20 minutes, 30 minutes, des fois avant un premier changement. Et au niveau du hockey, c'est des chiffres de 40 secondes, 50 secondes, une minute. Après ça, les changements se font rapidement. Il y a toujours des jeunes jambes sur la patinoire, c'est pas pareil. Oui, effectivement. Au niveau local maintenant. Au niveau local, cette semaine, on a eu un match U8 quand même assez intéressant. Alors un grand score bien sûr. Alors 8-7 avec des buts de Noam Rakoto Harrison, alors qui est champion marqueur jusqu'à maintenant dans sa catégorie. Alors il est très bon. Et alors plusieurs buts là pour Noam, on parle de 5 buts au total. Et pour dans les autres catégories, alors du côté du 10 et du 12, on a fait ici à Chibougamau une petite partie exhibition. Alors un petit challenge qui nous a été lancé du côté des entraîneurs du côté U10 qui voulait essayer justement de voir quel calibre qu'ils avaient de au niveau de leurs joueurs. Mmh. Alors ils ont voulu jouer un 7 contre 7 contre nos Udo. Okay. Et ça s'est soldé par un résultat de 12-2 pour les Udo. Ah, c'est bon, c'est très très. Avec plusieurs marqueurs, Guillaume Lachance, Guillaume Boulanger, plusieurs buts. Et aussi bien sûr Loriot Rakotorison qui est un marqueur dans la ligue. Bon. Donc, ça va bien, fait que c'est une belle semaine encore pour Chibougamau. Oui, là bien sûr il y a les vacances de construction qui vont commencer. À Chibougamau, nous, dans notre calendrier, on a décidé bien sûr, comme à tous les ans, de laisser une semaine là plus off. Alors, une semaine de pause, dans le fond, la première semaine, et le retour des activités reprenne le 27 juillet, le lundi, qui va nous mener à la fin de semaine du Festival en août, mais aussi de notre tournoi, la Coupe Nord du Québec, le 31 juillet, 1er août et 2 août. Et vous allez, effectivement, vous allez avoir des équipes, je pense, à Ville-Saguenay, au gros tournoi en fin de semaine. Là. Oui, mais il y a deux équipes d'Alma, deux équipes qui viennent nous visiter, puis il y a aussi une équipe aussi, le Mistral de Jonquière, qui vient faire son tour alors dans la journée du dimanche. Alors, ça rend quand même l'événement, la deuxième édition, encore plus intéressante. Puis Ville-Saguenay, vous avez un tournoi, je pense, aussi. Vous venez aussi en fin de semaine à Ville-Saguenay? Non, pas cette année. Malheureusement, on va aller à Alma cette année. On n'a pas été en mesure de recruter assez de gens assez de joueurs durant la période de vacances pour participer au tournoi à Chicoutimi. L'an dernier, on faisait pas partie de la Ligue régionale. Hein, la Ligue régionale, cette année, je te dirais qu'on est dans l'équipe présentement avec les suspensions de début d'année, les vacances, tout ça. On est rendu à 20 joueurs, là, c'est pas 21 joueurs. Puis, faut comprendre que ces 21 joueurs-là sont pas toujours présents à toutes les parties. Alors, c'est toujours un groupe, là, je te dirais, de 7-8 joueurs qui sont toujours là. Mais t'as toujours des remplaçants qui viennent, des réservistes qu'on pourrait appeler, là, qui sont là sporadiquement. OK. Ben, Yannick, on s'en parle jeudi prochain? Jeudi prochain. Ah, OK. Pas, l'autre jeudi. On pourrait s'en reparler dans deux semaines. C'est-tu dans deux semaines? Oui, non, c'est OK, ça va être correct. Non, c'est parce que je m'en vais aux États-Unis très, très bientôt. Ah oui, toi, je pense que je l'ai vu passer Facebook. Sur tes comptes, là, réseaux sociaux. Chicago. Ça va faire un petit trip. Ah oui, quatre matchs de baseball, là, mais c'est dans trois semaines. Bon. Je te souhaite des OK, bons Yannick, on s'en reparle dans deux semaines. Voilà le chroniqueur de Sakai, Yannick.